Floride, non moins marie que estonnée d'oïr tenir tel propos à celui duquel jamais n'eusses tu soupçon de choses semblables, lui disent en pleurant. Hélas, Amadour, sont-ce ici les vertueux propos que durant ma jeunesse m'avaient tenus? Est-ce si l'honneur et la conscience que vous m'avez maintes fois conseillé plutôt de mourir que de perdre? Avez-vous oublié les bons exemples que vous m'avez donnés des vertueuses dames qui ont résisté à la folle amour et le d'esprit que vous avez toujours fait des folles? Je ne puis croire, Amadour, que vous soyez si loin de vous-même que Dieu, votre conscience et mon honneur soient du tout morts en vous. Mais si ainsi est que vous le dictez, je loue la bonté divine qui a prévenu le malheur où maintenant je m'allois précipiter, en me monstrant par votre parole le cœur que j'ai tant ignoré. Car ayant perdu le fils de l'infant fortuné, non seulement pour être marié ailleurs, mais pour ce que je sais qu'il en aime une autre, et me voyant marié à celui que je ne puis, quelque peine que j'y mette, aimer et avoir agréable, j'avois pensé et délibéré de entièrement et de tout mettre mon cœur et mon affection à vous aimer, fondant cette amitié sur la vertu que j'ai tant connue en vous, et en laquelle, par votre moyen, je pense avoir atteinte. C'est d'aimer plus mon honneur et ma conscience que ma propre vie. Sur cette pierre d'honnêteté, je suis venu ici, délibéré de y prendre un très sûr fondement. Mais, Amadour, en un moment, vous m'avez montré qu'en lieu d'une pierre necte et pure, le fondement de cet édifice se roie sur sablon légier ou sur la fange infâme, et combien que déjà j'avois commencé grande partie du logis où j'espérois faire perpétuelle demeure, vous l'avez soudain du tout ruiné. Par quoi, il faut que vous vous déportiez de l'espérance que avez jamais eue en moi, et vous délibériez, en quelque lieu que je sois, ne me chercher ni par parole, ni par contenance, ni espérer que je puisse ou veuille jamais changer cette opinion. Je vous le dicte avec tel regret qu'il ne peut être plus grand. Mais si je fusse venu jusque à avoir juré parfaite amitié avec vous, je sens bien mon cœur tel qu'il fusse mort en cette rencontre, combien que l'étonnement que j'ai de me voir déçu est si grand que je suis sûr qu'il rendra ma vie ou brève ou douloureuse. Et sur ce mot, je vous dis adieu, mais c'est pour jamais. Je n'entrepoins point de vous dire la douleur que sent toi, Amadour, escoutant ces paroles, car elle n'est seulement impossible à écrire, mais à penser, sinon à ceux qui ont expérimenté l'appareil, et voyant que sur cette cruelle conclusion elle s'en alloua, la resta par le bras, sachant très bien que, si ne lui ose-toi la mauvaise opinion qu'il lui avoit donnée, à jamais il la perd droit. Par quoi, ils lui disent avec le plus fin visage qu'il peut prendre, « Madame, j'ai toute ma vie désiré d'aimer une femme de bien, et pour ce que je en ai trouvé si peu, j'ai bien voulu vous expérimenter pour voir si vous estiez, par votre vertu, digne d'être tant estimée que aimée. Ce que maintenant je sais certainement, dont je loue Dieu qui adresse mon cœur à aimer tant de perfection, vous suppliant de me pardonner cette folle et audacieuse entreprise, puisque vous voyez que la fin en tourne à votre honneur et à mon grand contentement. » Floride, qui commençoit à commuastre la malice des hommes par lui, tout ainsi qu'elle avoit testé difficile à croire le mal où il estoie, aussi fut-elle encore plus à croire le bien où il n'estoie pas, et lui disent « Plaisse à Dieu que eussiez dicte la vérité. Mais je ne puis être si ignorante que l'état de mariage où je suis ne me fasse bien cognoistre clairement que forte passion et aveuglement vous affecte faire ce que vous avez fait. Car si Dieu m'eût lâché la main, je suis sûre que vous ne m'eussiez pas retiré la bride. Ceux qui tentent pour chercher la vertu n'ont accoutumé prendre le chemin que vous avez prince. Mais c'est assez. Si j'ai cru légèrement quelque bien en vous, il est temps que j'en cognoisse la vérité, laquelle maintenant me délivre de vos mains. » Et, en se disant, se partit Floride de la chambre, et tant que la nuit dura, ne fait que pleurer, sentant si grande douleur en cette mutation que son cœur avoit bien affaire à soutenir les assauts du regret que amour lui donnoit. Car combien que, selon la raison, elle estoie délibérée de jamais plus l'aimer, si est-ce que le cœur, qui n'est point subject à nous, ne s'y voulut onc accorder? Par quoi, ne le pouvant moins aimer qu'elle avoit accoutumé, sachant qu'amour estoit cause de ceste faute, se délibéra, satisfaisant à l'amour de l'aimer de tout son cœur et obéissant à l'honneur, n'en jamais faire à lui ni à autre semblant. Le matin s'en partit à Madour, aussi fâché que vous avez oeil. Toutefois, son cœur, qui estoit si grand qu'il n'avoit au monde son pareil, ne le souffrit désespéré, mais lui bailla nouvelle invention de pouvoir encore revoir Floride et avoir sa bonne grâce. Donc, en s'en allant de vers le roi d'Espagne, lequel estoit à Tolède, print son chemin par la comté d'Arande, où un soir bien tard il arriva, et trouva la comtesse fort malade d'une tristesse qu'elle avoit de l'absence de sa fille Floride. Quand elle veille d'Amadour, elle le baisa et embrassa comme si c'eût été son propre enfant, tant pour l'amour qu'elle eut pour toi que pour celle qu'elle douptoit qu'il avoit à Floride, de laquelle elle lui demanda bien soigneusement des nouvelles, qui lui en disent le mieux qui lui fut possible, mais non toute la vérité, et lui confessa l'amitié de deux, ce que Floride avoit toujours scellé, la priant lui vouloir aider d'avoir souvent de ses nouvelles et de retirer bientôt Floride avec elle. Et dès le matin s'en partit, et après avoir fait ses affaires avec le roi, s'en alla à la guerre, si triste et si changé de toute condition que dame, capitaine et tous ceux qui la voient accoustumés de hanter ne le connoissoient plus, et ne se habilloient plus que de noir. Mais cestoit d'une frise beaucoup plus grosse qu'il ne la falloit pour porter le deuil de sa femme, duquel il couvroit celui qui la voit au cœur, et ainsi passa à Madour 3 ou 4 années sans revenir à la cour. Et la comtesse d'Arande, qui ouit dire que Floride estoit changée et que cestoit pitié de la voir, l'envoya quérir, espérant qu'elle reviendroit auprès d'elle. Mais ce fut le contraire, quand Floride, ce que Amadour avoit déclaré à sa mère leur amitié, et que sa mère, tant sage et vertueuse, se confiant en Amadour, la trouva bonne, fut en une merveilleuse perplexité, pour ce que d'un coup sté, elle voyait que sa mère l'estimoit tant que, si elle lui disoit la vérité, Amadour en pourroit recevoir mal, ce que pour mourir n'eût-ce voulu, vu qu'elle se sentoit assez forte pour le punir de sa folie sans y appeler ses parents. D'autre côté, elle voyait que, dissimulant le mal qu'elle y savoit, elle serait contrainte de sa mère et de tous ses amis de parler à lui et lui faire bonne chère, par laquelle elle croignoit fortifier sa mauvaise opinion. Mais, voyant qu'il estoit loin et n'en fait grand semblant, il lui escriboit quand la comtesse le lui commandoit. Toutefois, cestoit l'être qu'il pouvoit bien connaître venir plus d'obéissance que de bonne volonté, dont il estoit autant ennuyé en les lisant qu'il avoit accoustumé se réjouir des premières. Au bout de 2 ou 3 ans, après avoir fait tant de belles choses que tout le papier d'Espagne ne les saurait contenir, imagina une invention très grande, non pour gagner le cœur de Floride, car il le tenoit pour perdu, mais pour avoir la victoire de son ennemi, puisque tel se faisoit contre lui. Il met à arrière tout le conseil de raison, et même la peur de la mort, dont il se mettoit au hasard, délibéra et conclut d'ainsi le faire. Or fait tant envers le grand gouverneur qu'il fut par lui député pour venir parler au roi de quelque entreprise secrète qu'il se faisoit sur l'ocate, et se fait commander de communiquer son entreprise à la comtesse d'Arande avant que la déclarer au roi pour en prendre son bon conseil. Et vint en poste, tout droit en la comté d'Arande, où il savoit qu'estoit Floride, et envoya secrètement à la comtesse un sien ami lui déclarer sa venue, lui priant la tenir secrète, et qu'il puisse parler à elle la nuit sans que personne en suste rien. La comtesse, fort joyeuse de sa venue, le dit à Floride, et l'envoya déshabiller en la chambre de son mari, afin qu'elle fût preste quand elle l'âme en droit et que chacun fût retiré. Floride, qui n'estoit pas encore assurée de sa première peur, n'en fait semblant à sa mère, mais s'en alla en un oratoire se recommander à notre Seigneur et lui priant de vouloir conserver son cœur de toute méchante affection, pensa que souvent Amadou la voit louée de sa beauté, laquelle n'estoit point diminuée, nonobstant qu'elle eût été longuement malade. Par quoi, aimant mieux faire tort à sa beauté en la diminuant, que de souffrir par elle le cœur d'un si honnête homme brûlé d'un si méchant feu, print une pierre qui estoit en la chapelle et s'en donna par le visage un si grand coup que la bouche, le nez et les yeux en estoient tout disformés. Et afin que l'on soupçonnast quand la comtesse l'envoya quérir, se laissa tomber en sortant de la chapelle, le visage contre terre et en criant bien haut. Arriva la comtesse qui la trouvast en ce piteux estant, et incontinent fut pansé et bandé par tout le visage. Après, la comtesse la mena en sa chambre et lui dist qu'elle apprioua d'aller en son cabinet entretenir Amadour jusqu'à ce qu'elle se fût défaite de sa compagnie. Ce que fait Floride, pensant qu'il y eût quelques gens avec lui. Mais se trouvant toute seule, la porte fermée sur elle, fut autant Marie qu'Amadour content, pensant que par amour ou par force, il aura ce qu'il avoua désirer. Et après avoir parlé à elle et l'avoir trouvée en même propos, en quoi il l'avoua laissée, et que pour mourir, elle ne changeroit son opinion, lui dist tout outré de désespoir, « Par Dieu, Floride, le fruit de mon labeur ne me sera point ôté par vos scrupules. Car puisque amour, patience et humble prière ne servent de rien, je m'espagnerai point ma force pour acquérir le bien qui, sans l'avoir, me la fera perdre. » Et quand Floride vait son visage et ses yeux tant altérés que le plus beau teint du monde estoit rouge comme feu, et le plus doux et plaisant regard si horrible et furieux qu'il sembloit qu'un feu très ardent estincelast dans son cœur et son visage, et en ceste fureur d'une de ses fortes et puissantes mains prend les deux délicates et faibles de Floride, elle, voyant que toute défense lui faillit, et que pieds et mains estoient tenus en telle captivité qu'elle ne pouvoit fuir, encore moins se défendre, ne sut quel meilleur remède trouver, sinon chercher s'il n'y avait point encore en lui quelque racine de la première amour, pour l'honneur de laquelle il obligast sa cruauté. Par quoi elle lui dit, Amadour, si maintenant vous m'estimez comme ennemi, je vous supplie, par l'honnête amour que j'ai autrefois pensé être votre cœur, me vouloir escouter avant que me tourmenter. Et quand Elveid, qui lui prestoit l'oreille, poursuivit son propos, disant « Hélas, Amadour, quelle occasion vous meut de chercher une chose dont vous ne pouvez avoir contentement, et me donner ennui le plus grand que je saurais recevoir. Vous avez tant expérimenté ma volonté du temps de ma jeunesse et de ma plus grande beauté, sur quoi votre passion pouvait prendre excuse, que je m'esbahis, que l'âge et grande laideur où je suis, outré d'extrême ennui, vous cherchez ce que vous savez ne pouvoir trouver. Je suis sûre que vous ne doutez point que ma volonté ne soit telle qu'elle a accoutumée, par quoi ne pouvez avoir par force ce que demander. Et si vous regardez comme mon visage est accoustré, en oubliant la mémoire du bien que vous y avez vu, vous n'aurez point d'envie d'en approcher de plus près, et s'il y a encore en vous quelques reliques de l'amour passé, il est impossible que la pitié ne vainque votre fureur. Et haïssez pitié que j'ai tant expérimenté en vous, je fais ma plainte et demande grâce, afin que vous me laissiez vivre en paix et en l'honnêteté que, selon votre conseil, j'ai délibéré garder. Et si l'amour que vous m'avez porté est converti en haine, et que, plus par vengeance que par affection, vous veuillez me faire la plus malheureuse femme du monde, je vous assure qu'il n'en sera pas ainsi, et me contraindrai, contre ma délibération, de déclarer votre méchante volonté à celle qui croit tant de bien de vous, et en ceste connoissance, pouvez penser que votre vie ne sera pas encertée. Amadour, rompant son propos, lui dit, s'il me faut mourir, je serai plutôt quitte de mon tourment. Mais la difformité de votre visage, que je pense être faite de votre volonté, ne m'empêchera point de faire la mienne, car que je ne pourrois avoir de vous que les os, si les voudrois-je tenir auprès de moi. » Et quand Floride vête que prière, raison, né larmes, ne lui servoit de rien, et quand telle cruauté poursuivoit son méchant désir, qu'elle n'avoit enfin force d'y résister, se aida du secours qu'elle croignoit autant que perdre sa vie, et, d'une voix si triste, si piteuse, appela sa mère le plus haut qui lui fût possible, laquelle, voyant sa fille l'appeler d'une telle voix, eut merveilleusement grand pâour de ce qui estoit véritable, et courut le plus tôt qui lui fut possible en la garde-robe. Amadour, qui n'estoit pas si preste à mourir qu'il disoit, laissa de si bonne heure son entreprince que la dame, ouvrant le cabinet, le trouva à la porte et Floride assez loin de là. La comtesse lui demanda « Amadour, qu'y a-t-il ? Dicte-moi la vérité !» Et comme celui qui n'estoie jamais dépourvu d'invention, avec un visage pâle et transi, lui dit « Hélas, madame, de quelle condition est devenue madame Floride ?» Je ne fus jamais si estonnée que je suis, car je vous ai dicte que je pensois avoir part dans sa bonne grâce. Mais je connois bien que je n'y ai plus rien. Il me semble, madame, que du temps qu'elle estoie nourrie avec vous, elle n'estoie moins sage ni vertueuse qu'elle est. Mais elle ne faisait point de conscience de parler et de voir un chasquin. Et maintenant que je l'ai voulu regarder, elle ne l'a voulu souffrir. Et quand j'ai vu cette contenance, pensant que ce fût un songe ou une rêverie, lui ai demandé sa main pour la baiser à la façon du païs, ce qu'elle m'a du tout refusé. Il est vrai, madame, que j'ai eu tort, dont je vous demande pardon, c'est que je lui ai prince la main quasi par force et la lui ai baisée, ne lui demandant autre contentement. Mais elle, qui a, comme je crois, délibéré ma mort, vous a appelé ainsi comme vous avez vu. Je ne saurois dire pourquoi, sinon qu'elle ait eu peur que j'eusse autre volonté que je n'ai. Toutefois, madame, en quelque sorte que ce soit, j'advoue le tort reste mien, car combien qu'elle devroit aimer tous vos bons serviteurs, la fortune veut que moi seul, plus affectionné, sois mis hors de sa bonne grâce. Si est-ce que je demeurerai toujours telle envers vous et elle que je suis tenu, vous suppliant me vouloir tenir en la vôtre, puisque sans mon démérite j'ai perdu la sienne. » La comtesse, qui en partie le croyoit et en partie douptoit, s'en alla à sa fille et lui dit « Pourquoi m'avez-vous appelé si haut ?» Floride répondit qu'elle avoit eu pas haut, et combien que la comtesse l'interrogea de plusieurs choses par le menu, si est-ce que jamais ne lui fait autre réponse, car voyant qu'elle estoit échappée d'entre les mains de son ennemi, le tenoua assez puni de lui avoir rompu son entreprince. Après que la comtesse eut longuement parlé à Amadour, le laissa encore devant elle parler à Floride pour voir quelle contenance il tient droit, à laquelle il ne tint pas grand propos, sinon qu'il la mercia de ce qu'elle n'avoit confessé vérité à sa mère, et la pria que au moins, puisqu'il estoit hors de son cœur, un autre ne tint point sa place. Elle lui répondit quant au premier propos, « Si j'eusse autre moyen de me défendre de vous que par la voix, elle n'eusse jamais esté ouai. Mais par moi, vous n'aurez pis, si vous ne m'y contraignez comme vous avez fait. Et n'avez pas peur que j'en ne cesse aimer d'autre, car, puisque je n'ai trouvé en cœur que je savais le plus vertueux du monde, le bien que je désirois, je ne croirais point qu'il soit en nul homme. Ce malheur sera cause que je serai, pour l'advenir, en liberté des passions que l'amour peut le donner. » En se disant, prend congé d'elle. La mère, qui regardoit sa contenance, n'y sut rien juger, sinon que depuis ce temps-là, connut très bien que sa fille n'avoit plus d'affection à Amadour, et pensa pour certain qu'elle fût si déraisonnable qu'elle est toutes les choses qu'elle est moi. Et dès cette heure-là, lui mena la guerre si étrange qu'elle fut 7 ans sans parler à elle, si elle ne s'y courroussoit, et tout à la requête d'Amadour. Durant ce temps-là, Floride tourna la crainte qu'elle avoit d'être avec son mari, en volonté de n'en bouger, pour les rigueurs que lui tenoit sa mère, mais voyant que rien ne lui servoit, délibéra de tromper Amadour, et laissant pour un jour ou deux son visage étrange, lui conseilla de tenir propos d'amitié à une femme qu'elle disoit avoir parlé de leur amour. Ceste dame demeurait avec la Roanne d'Espagne et avoit nom Laurette. Amadour la creut, pensant que par ce moyen retourner encore en sa bonne grâce, fait l'amour à Laurette, qui estoit femme d'un capitaine, lequel estoit des grands gouverneurs du roi d'Espagne. Laurette, bien aise d'avoir gagné un tel serviteur, en fait tant de mine que le bruit en courut partout, et même la comtesse d'Arande, estant à la cour, s'en aperceut, par quoi depuis ne tormentait tant Floride qu'elle la voit accoutumée. Floride ouït un jour dire que le capitaine, mari de Laurette, estoit entré en une si grande jalousie qu'il la voit délibérer en quelque sorte que ce fût de tuer Amadour et elle, qui, nonobstant son dissimulé visage, ne pouvait vouloir mal à Amadour. L'en avertit incontinent, mais lui qui facilement fut retourné à ses premières brisées, lui répondit s'il lui plaisoit l'entretenir 3 heures tous les jours, que jamais ils ne parleront à Laurette ce qu'elle ne voulut accorder. Donc, celui dit Amadour, puisque ne me voulez faire vivre, pourquoi me voulez-vous garder de mourir, sinon que vous espérez me tormenter plus en vivant que nulle mort ne saurait faire? Mais combien que la mort me fuit, si la chercherai-je tant que je la trouverai, car en ce jour-là seulement j'aurai repos. » Durant qu'ils estoient en ces termes, vint nouvelle que le roi de Grenade commençoit une grande guerre contre le roi d'Espagne, tellement que le roi y envoya le prince son fils, et avec lui le connestable de Castille et le duc d'Albe, deux vieilles et sèches seigneurs. Le duc de Cardonne et le comte d'Arrande ne voulurent pas demeurer et supplièrent au roi leur donner quelque charge, ce qu'il fait selon leur maison, et leur bailla pour les conduire sûrement à Amadour, lequel, durant la guerre, fait des actes si étranges que sembloit autant de désespoir que de hardiesse. Et pour venir à l'intention de mon comte, je vous dirai que sa trop grande hardiesse fut éprouvée par la mort, car, ayant les morts fait démonstrance de donner la bataille, voyant l'armée des chrétiens si grande faire semblant de fuir, les Espagnols se mirent à la chasse, mais le vieil connestable et le duc d'Albe, se doutant de leur finesse, retinrent contre sa volonté le prince d'Espagne qu'ils ne passassent la rivière, ce que faire nonobstant la défense, le comte d'Arrande et le duc de Cardonne. Et quand les morts verts, qu'ils n'estoient suivis que de peu de gens, se retournèrent, et d'un coup de cimetière abattirent tout mort le duc de Cardonne, et fut le comte d'Arrande si fort blessé que l'on le laissa comme mort en la place. Amadour arriva sur ceste défecte, tant régé et furieux qu'il rompit toute la presse, et fait prendre les deux corps qui estoient morts, et porté au camp du prince, lequel en eut autant de regrets que de ses propres frères. Mais, en visitant leur plaie, se trouva le comte d'Arrande encore vivant, lequel fut envoyé en une lictière en sa maison, où il fut longuement malade, et de l'autre côté renvoya à Cardonne le corps du mort. Amadour, ayant fait son effort de retirer ses deux corps, pensa si peu pour lui qu'il se trouva environné d'un grand nombre de morts, et, lui qui ne vouloit non plus être prince, qui ne l'avoit su prendre sa mie, n'ait faussé sa foi envers Dieu, qui la voit faussée envers elle, sachant que, s'il estoit mené au roi de Grenade, il mourroit cruellement ou renonceroit à la chrétienté, délibéra ne donner la gloire née de sa mort, née sa prince à ses ennemis, et, en baisant la croix de son espèce, rendant corps et âme à Dieu, s'en donna un tel coup qu'il ne lui en fallut point de secours. Ainsi mourut le pauvre Amadour, autant regretté que ses vertus le méritoient. Les nouvelles en coururent par toutes les Espagnes, tant que Floride, laquelle estoit à Barcelone, où son mari avoit autrefois ordonné être enterré, en noua le bruit, et, après qu'elle eut fait ses obsèques honorablement, sans en parler à mère ni à belle-mère, s'en alla religieuse au monastère de Jésus, prenant pour mari et ami celui qui la voit délivrée d'une amour si véhémente que celle d'Amadour, et de l'ennui si grand que de la compagnie d'un tel mari. Ainsi tourna toutes ses affections à aimer Dieu si parfaitement qu'après avoir vécu longuement religieuse, lui rendit son âme en telle joie que l'espouse a d'aller voir son époux. Je sais bien, mesdames, que ceste longue nouvelle pourra être à aucune fâcheuse, mais si j'eusse voulu satisfaire à celui qui la m'a contée, elle eût été trop plus que longue, vous suppliant, en prenant exemple de la vertu de Floride, diminuer un peu de sa cruauté et ne croire point tant de bien aux hommes qu'il ne faille, par la connoissance du contraire, leur donner cruelle mort et à vous une triste vie. Et, après que par l'amante eût eu bonne et longue audience, elles disent à Hircan, « Vous semble-t-il pas que cette femme ait été pressée jusqu'au bout et qu'elle ait vertueusement résisté ?»« Non, » disent Hircan, « car une femme ne peut faire moindre résistance que de crier. Mais si elle eût été en lieu où l'on ne l'eût pu voir, je ne sais qu'elle eût fait. Et si Amadour eût été plus amoureux que craintif, il n'eût pas laissé pour si peu son entreprince. » Et pour cet exemple-ci, je ne me départirais de la forte opinion que j'ai que onque homme qui aimaste parfaitement, ou qui fût aimé d'une dame, ne faillit d'en avoir bonne issue s'il affecte la poursuite comme il appartient. Mais encore faut-il que je loue Amadour de ce qu'il fait une partie de son devoir. Quel devoir ? Se disent oisil. Appelez-vous faire son devoir à un serviteur qui veut avoir par force sa maîtresse, à laquelle il doit toute révérence et obéissance ? Saffredant prend la parole et dit « Madame, quand nos maîtresses tiennent leur rang en chambre ou en salle, assises à leurs aises comme nos juges, nous les menons danser en crainte, nous les servons si diligemment que nous prévenons leurs demandes. Nous semblons être tant craintifs de les offenser et tant désirants de les servir que ceux qui nous voient ont pitié de nous, et bien souvent nous estiment plus sots que bestes. Transportés d'entendement ou transis, et donne la gloire à nos dames, desquelles les contenances sont tant audacieuses et les paroles tant honnestes qu'elles se font craindre, aimer et estimer de ceux qui n'en voient que le dehors. Mais quand nous sommes à part, où amour seul est juge de nos contenances, nous savons très bien qu'elles sont femmes et nous hommes, et alors le nom de maîtresse est converti en ami et le nom de serviteur en ami. C'est là où le proverbe dit « De bien servir est loyal estre, de serviteur on devient maître ». Elles ont l'honneur autant que les hommes qui le leur peuvent donner et oster, et voient ce que nous endurons patiemment, mais c'est raison aussi que notre souffrance soit récompensée quand l'honneur ne peut être blessé. « Vous ne parlez pas du vrai honneur, dit Longarine, qui est le contentement de ce monde, car tout le monde me dit roi femme de bien, et je serai seul au contraire, la louange augmenteroi ma honte, et me rendroi tant moi-même plus confuse. Et aussi, quand ils me blasmeroi, et je sentisse mon innocence, son blasme tourneroi à mon contentement, car nul n'est content de soi-même. Or, quoi que vous ayez tous dict, se dit Géburon, il me semble qu'Amadour estoie un aussi honnête et vertueux chevalier qu'il en soit point, et veut que les noms sont supposés, je pense le cognoistre. Mais, puisque Parlamente ne l'a voulu nommer, aussi ne ferai-je, et contentez-vous que, si c'est celui que je pense, son cœur ne sentit jamais nulle part, ni ne fut jamais vide d'amour, ni de hardiesse. Oisil leur dit, il me semble que cette journée s'est passée si joyeusement que si nous continuons ainsi les autres, nous accourcirons le temps à faire d'honnêtes propos. Mais voyez où est le soleil, et voyez la cloche de l'abbaye qui longtemps a, nous appelle à vespre, dont je ne vous ai point averti, car la dévotion d'ouïr la fin du conte estoit plus grande que celle d'ouïr vespre. Et, en se disant, se levèrent tous, et arrivant à l'abbaye, trouvèrent les religieux qui les avoient attendus plus d'une grosse heure. Vespre oua, allèrent souper, qui ne fut tout le soir, sans parler des contes qu'ils avoient ouïs, et sans chercher par tous les endroits de leur mémoire pour voir s'ils pourront faire la journée en suivante aussi plaisante que la première, et après avoir joué de mille jeux dedans le pré, s'en allèrent coucher, donnant fin très joyeuse et contente à leur première journée. Ici se termine la journée première de l'Heptaméron des Nouvelles de Marguerite de Navarre, enregistrée par Christiane Jehanne.